Mireille Kanyang. Mardi 9 avril, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce rendez-vous de la mi-journée. En voici les grands titres, mais vous voudrez bien nous excuser de ces deux minutes de retard. Plus de 10% des sources d'eau à travers le pays ont déjà tari et près de 20% tendent vers le tarissement. Des précisions du ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage ce mardi en conférence de presse. Dans cette édition, on parlera de l'éclairage public en mairie de Bujumbura qui laisse à désirer. Le maire de la ville de Bujumbura reconnaît le dysfonctionnement des poteaux électriques, mais demande le concours du gouvernement et de la population. La récente déclaration des partenaires techniques et financiers du Burundi sur la fermeture des radios BBC et Voix d'Amérique ne vise que la perturbation des prochaines échéances électorales, disent les associations KPS Plus et PISC Burundi en conférence de presse ce mardi. Vous aurez également droit à la chronique santé sur le cancer du sein. C'est dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgimana. La radio de l'avenir. Rebonjour, page environnement pour débuter cette édition. Plus de 10% des sources d'eau au Burundi ont déjà tari et plus de 17% sont en cours. Ces statistiques sont fournies par le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage ce mardi. Dans une conférence de presse, ce ministère a récemment mis en place deux ordonnances ministérielles, l'une interdisant la plantation des essences végétales absorbant beaucoup d'eau et l'autre instituant jeudi comme journée dédiée à l'environnement. Les détails avec Moïse Misago qui a participé à cette conférence de presse. Dans cette conférence de presse, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage a précisé qu'il s'observe une dégradation de l'environnement dans certains milieux. Des sources d'eau ont une importance capitale pour la population. Certains d'entre elles ont déjà tari, souligne le ministre Deogui Derurema. Nous voudrions vous informer que sur le total de 24 787 sources d'eau dont le Burundi dispose, 2409 sont déjà taries, soit 10,1%, et 4418, soit 17,8%, en cours de tarissement. Et si rien n'est fait, elles risqueront de tarir complètement. Notre pays utilise des sources hydrologiques internes et ne dispose pas de cours d'eau provenant de l'extérieur. Plutôt, il alimente d'autres pays. Son ministère a mis en place deux ordonnances ministérielles pour protéger l'environnement, poursuit-il. Envie de protéger l'environnement de manière intégrale, l'État du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, vient de mettre sur pied une ordonnance conjointe instituant jeudi comme journée nationale dédiée à l'environnement et une ordonnance interdisant la plantation des arbres absorbant beaucoup d'eau dans le périmètre de protection des sources, des bas-fonds et des marais. D'une façon générale, ces travaux seront centrés sur le traçage des fossés anti-érosifs, le dessouchage des arbres absorbant beaucoup d'eau dans les sources et les marais et les bas-fonds. Dans la province Kayanza, 200 sources d'eau par exemple ont déjà tari, ajoute le ministre Rurema. En page politique, je vous l'annonçais en titre, les associations KPS Plus et PISC Burundi de la société civile s'insurgent contre la récente déclaration du groupe des pays partenaires techniques et financiers du Burundi au sujet de la fermeture des radios BBC et Voix de l'Amérique. Au cours d'une conférence de presse conjointe ce mardi, le président de ces organisations trouve que cette déclaration ne vise que la perturbation des échéances électorales de 2020. Suivez Hamza Venant. Bourikou, qui est président de KPS+. La condamnation injuste et erronée du groupe de partenaires techniques et financiers de l'Union européenne sur la décision du Conseil national de la communication CNC à rapport avec la mesure de retirer la licence d'exploitation à la radio britannique BBC et la prolongation des sanctions prises à l'endroit de la radio Voix d'Amérique pour son manque de coopération afin de trouver solution à son différend, non seulement c'est scandaleux, mais aussi prouve à suffisance que ses partenaires techniques et financiers ont agi sur des émotions ou peut-être plaident en faveur d'une autre cause non avouée. Oser dire que le gouvernement fait des restrictions à la liberté des médias et à la capacité des journalistes professionnels d'exercer leur métier dans un environnement libre d'expression sans influence extérieure, alors que plus de 20 médiums privés et presse écrite sont fonctionnaires au pays et que personne parmi les concernés n'a jamais soulevé cette problématique, il y a lieu de se demander avec en faveur de qui ou en quoi ils sont en train de plaider. Si réellement ce groupe de partenaires techniques et financiers de l'Union européenne serait animé de bonne foi, dans l'intérêt du Burundi et de tous les Burundais, sans favoritisme et dans l'équité, ils devraient approcher la BBC et la Voix d'Amérique pour les amener à s'excuser et coopérer et réaffirmer leur engagement au respect des lois et de la déontologie professionnelle et journalistique. Sinon, on risque de les taxer de complices, car on est sans ignorer que l'Union européenne a sanctionné injustement le Burundi et les hautes personnalité du Burundi, malgré les multiples appels de l'Union africaine et d'autres partenaires amis du Burundi de lever ces sanctions sans succès, hélas. Hamza Venant Buriku, qui est président de CAPES Plus et le groupe des partenaires techniques et financiers du Burundi, avait indiqué dans sa déclaration de vendredi dernier qu'il reste à la disposition du gouvernement burundais pour des consultations ultérieures à propos des radios BBC et Voix de l'Amérique. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par la page sécurité. Le chef collinaire de Nyagwaga en commune et province Bururi dit craindre pour sa sécurité. C'est après une attaque perpétrée par des inconnus contre son ménage à l'aube de ce lundi. Doua Gilbert place à l'actif de cette situation. Des conflits fonciers demandent que sa sécurité et celle de sa famille soient garanties. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Des inconnus ont défoncé la porte de l'entrée principale menant à la cour de Ndouaïo Gilbert, chef collinaire de Nyagwaga, et ont brisé les vitres de la porte principale de la maison et une fenêtre avant de s'enfuir sous les cris de demande de secours et jetant des pierres sur des maisons des voisins, selon les voisins de la victime. Ces malfaiteurs ont laissé derrière eux un morceau de fer et un poignard lors de cette attaque de 1h15 de ce lundi, selon ses sources. De son côté, Gilbert Ndouaïo dit qu'à ce moment, il se cachait dans les environs, et cela pour une troisième fois, après être averti que s'il n'abandonnait pas une affaire foncière pendante au tribunal, il sera tué. Et à son chef collinaire de demander aux instances compétentes de se pencher sur ce cas. Des avis de recherche contre les suspects sont sortis ce lundi après que son chef collinaire se soit confié à la police. Le chef de zone Bamba, chef direct de cet élu collinaire, dit avoir averti l'administrateur communal de Bururi. On a cherché Nestor Nijimbere, administrateur communal de Bururi, pour qu'il s'exprime sur ce cas sans succès. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Jean-Pierre Misago, je vous l'avais annoncé en titre, les poteaux électriques de la régie des zones n'éclairent plus certaines voies publiques pendant la nuit. Dans certains endroits, ces poteaux électriques ne fonctionnent plus et dans d'autres, ces poteaux n'existent même pas. Le constat est que les différentes routes de la municipalité de Bujumbura sont éclairées par des lampes accrochées sur des murs de certaines sociétés ou des habitations, en constat fait par Aimé Richard Nyonguru. C'était la nuit de ce lundi. En éclairage public nocturne, prenant la route qui mène vers la cathédrale Regina Mundi, nous sommes sur l'avenue Patrice Lumumba. Les poteaux électriques existent, mais ne sont pas fonctionnels. Continuant notre route vers Moussaga, sur la RN7, aucun éclairage public. Seules les voitures éclairent les routes, mais aussi les lampes accrochées à des murs de ménage. La station d'approvisionnement au carburant, appelée Boutanyerera, joue aussi un grand rôle dans l'éclairage de cette route. Arrivé à Gasekebouye, quartier nouvellement installé, on n'y trouve qu'un poteau électrique sur cette route. À Kinanira, dans la zone Moussaga, au sud de Bujumbura, d'ailleurs jusqu'à Kanyosha, le scénario est le même parce que les routes sont éclairées par les lumières des ménages. À Kanyosha, c'est toujours la lumière en provenance des ménages qui te fait la bienvenue et non des poteaux électriques. Un peu en bas, à la route Rumongue, ou tout simplement la RN7, pas d'éclairage public, Des poteaux électriques sont installés, mais toujours pas fonctionnels. Quartier Kinanira 2, du petit séminaire d'Okanyosha jusqu'à la 18e avenue. Nous sommes dans la zone urbaine de Moussaga. L'éclairage est fait par des ménages et non des poteaux électriques. La RN3, route Lumongue, il n'est pas aussi éclairé. Les poteaux restent toujours pendants, mais sans effets électriques. Derrière la cathédrale Regina Mundi, c'est le noir qui te fait la bienvenue. Pas de poteaux électriques, encore moins une lueur de lumière. Sur le 28 novembre, le constat est le même. La route toujours pas éclairée. Arrivé à l'université du Burundi, un peu en bas, le quartier est dans le noir. L'avenue de l'université jusqu'à la mairie, cette route est éclairée par les ménages environnants et non des poteaux électriques. Même si elle est sur le boulevard d'Oliprona, au centre-ville, l'éclairage public ne se fait plus remarquer. Un reportage fait dans la soirée de ce lundi. À ce propos, le maire de la ville de Bujumbura reconnaît le dysfonctionnement des poteaux électriques sur quelques rues de la capitale. Freddy Mbonima fait savoir que c'est une question pertinente et demande la participation de l'État et de la population pour faire éclairer la ville, car la mairie seule ne pourrait le faire. Je vous prie de le suivre. La question est vraiment très pertinente, étant donné qu'une ville doit être éclairée. Ça fait partie des normes d'une ville. Alors, comme la ville avait connu un éclairage public, et cela avait été supporté par le gouvernement via la régie des eaux, maintenant, les équipements ou les poteaux sont devenus vétustes. Le gouvernement avait tenté d'éclairer par les panneaux solaires, mais ces panneaux n'ont pas résisté, étant donné que les malfaiteurs ont volé les batteries qui les faisaient fonctionner. Donc, pour le moment, nous n'avons aucune solution d'échange. Sauf que nous avons demandé à la population de mettre deux tubes sur la façade extérieure afin que la ville soit éclairée. Mais en attendant, nous sommes en contact avec des partenaires qui peuvent, avec l'accord de la population, amener les poteaux. Mais il faut qu'il y ait une participation de la population. Est-ce que vous croyez que la population pourra supporter ces dépenses? Je crois que ce sont des dépenses raisonnables et par ailleurs, à travers des consultations, et même pourront voir si c'est lourd ou si c'est abordable. Je crois que la population, si elle est concertée et qu'elle trouve que c'est raisonnable, si elles disent qu'ils n'ont pas les moyens de participer, on en tiendra compte. Mais je pense que c'est dans leur intérêt, surtout que l'éclairage permet d'identifier les malfaiteurs. Donc c'est vraiment plus que nécessaire que la ville soit éclairée. Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, y répondait aux questions de Francine Ndihokubga. En page société, certains conducteurs de vélos en zone urbaine d'Okinama, au nord de la ville de Bujumbura, se lamentent qu'ils paient des frais de stationnement, mais qui ne reçoivent pas leur fiche de paiement. Ces derniers disent ne pas comprendre pourquoi ils payent actuellement dans leur association, alors qu'auparavant, c'était la mairie de Bujumbura qui était chargée de collecter ces frais de stationnement. Et sur ce, le président de la coalition Koata Vebu précise que c'est dans le but de leur faciliter la tâche en collectant tous ces frais afin de les déposer à la mairie. Emmanuel Nimbona ajoute que chaque conducteur qui aura payé cette cotisation mensuelle devra avoir une preuve de paiement. Le taxi-vélo devra attendre 3 jours pour la confection de la dite preuve, ajoute ce président. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de cette édition. Le cancer du sein prend généralement origine dans les unités cellulaires dont la fonction est de sécréter le lait, les unités d'ultolobulaires du sein. Le gynécologue explique que cette maladie peut aussi attaquer les tissus graisseux ou les cellules des muscles. Le docteur Gabriel Nahai fait savoir que les symptômes du cancer du sein, comme une tumeur, s'observent à un stade avancé. Cet expert souligne que les femmes âgées de 50 ans et plus sont les plus touchées. Et la chronique santé est signée Ornella Mucho. Le cancer du sein est essentiellement d'origine héréditaire et peut atteindre différentes structures du sein, selon le gynécologue Gabriel Nahayo. Mais les causes du cancer du sein sont difficiles à déterminer. On parle essentiellement de l'hérédité. Ça veut dire que les femmes qui viennent de familles où on a plusieurs cas de cancer du sein ont plus tendance à développer. C'est le facteur héréditaire. Alors les autres facteurs de risque sont des facteurs qu'on appelle facilitateurs, des facteurs adjuvants, qui sont le tabagisme et la consommation consommation excessive d'alcool. Selon toujours ce spécialiste, des signes du cancer du sein, comme la tumeur, s'observent tardivement. Les signes de ce cancer peuvent apparaître tardivement et c'est premièrement l'apparition d'une masse, qui peut augmenter de volume progressivement et qui peut être ressentie par la patiente elle-même, mais qui est souvent décelée par le médecin examinateur. Au-delà de l'apparition du nodule au niveau du sein, on peut avoir des signes locaux d'un cancer avancé, qui sont des modifications au niveau de la peau qui devient épaisse et ponctuée de petits trous, comme la peau d'un citron. Il y a d'autres signes, comme les liquides qui coulent au niveau du mamelon, s'observent à un stade avancé. Une grosse masse qui peut modifier l'orientation du mamelon. On peut avoir aussi l'écoulement de liquide anormal, du sang ou d'un autre liquide au niveau du mamelon. Le reste sont des signes extra-mammaires qui peuvent être des ganglions ressentis au niveau du creux de l'aisselle, au niveau du cou, ou des manifestations d'un cancer qui s'est métastasé, ça veut dire qu'il y a de lieux, qui est allé dans un lieu secondaire, auquel cas les signes vont être propre à la localisation secondaire. Les femmes âgées de 50 ans et plus sont les plus touchées. Mais Dr Gabriel Nahayo indique que le cancer du sein peut atteindre les hommes, même si les cas sont rares. Toutes les femmes, essentiellement à partir de 40 ans, sont en risque de cancer du sein. Les hommes peuvent être également atteints du cancer du sein. C'est une proportion moindre, mais le cancer du sein chez l'homme est aussi plus dangereux parce que le sein de l'homme étant tout petit, l'évolution va être très rapide et les métastases aux structures voisines ou aux organes lointains vont être beaucoup plus précoces. Comment diagnostiquer, traiter et se prévenir contre le cancer du sein? C'est dans la prochaine chronique santé. Merci à Ornella Mucho et au docteur Gabriel Nahayo. Ainsi s'achève cette édition à 13h13 dans les studios de la radio Isanganiro. Mais je vous en rappelle les principaux titres. Plus de 10% des sources d'eau à travers le pays ont déjà tari et près de 20% tendent vers le tarissement. Des précisions du ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage ce mardi en conférence de presse. Dans cette édition, nous vous avons parlé de l'éclairage public en mairie de Bujumbura qui laisse à désirer. Et le maire de la ville de Bujumbura reconnaît le dysfonctionnement des poteaux électriques et demande le concours du gouvernement et de la population. La récente déclaration des partenaires techniques et financiers du Burundi sur la fermeture des radios BBC et Voix d'Amérique ne vise que la perturbation des prochaines échéances électorales, disent les associations CAPES Plus et PISC Burundi de la société civile. C'était en conférence de presse ce mardi. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Alphonse Akubgimana qui a assuré la mise en onde. Je dis merci, un très bon après-midi. À tous et à tous, au revoir. Mireille Kanyang.